Deuxième partie. Le prophète Nour. Nous venons de voir que les enfants et petits-enfants de Adam et Hawa ont pratiqué le tawhid. Ils ont adoré Allah seul, comme il se doit. Et ceci dura longtemps après eux. Mais malheureusement, il y avait toujours un ennemi pour les hommes. Le méchant djinn qui avait trompé Adam et Hawa. Te rappelles-tu de son nom? C'est Iblis, le méchant Iblis. Il était toujours aussi jaloux des hommes et de ce qu'Allah leur avait donné. Donc il décida à nouveau de les tromper. Il n'y a pas plus méchant et mauvais que Iblis. Il alla voir le peuple du prophète Nour et leur dit: vous avez oublié les anciens. Vous avez oublié comme ils étaient bons. Vous devez vous souvenir d'eux. Après les avoir convaincus ainsi, Iblis leur proposa de fabriquer des statues avec le visage de ses anciens, soi-disant pour que tout le monde se rappelle d'eux. Mais c'était faux! Il y avait un piège derrière tout cela. Sache qu'il ne faut jamais croire Iblis. Mais hélas, encore une fois, les hommes le crurent et fabriquèrent les statues. Les hommes restèrent ainsi plusieurs années à contempler les statues et à se rappeler des anciens. Ils parlaient entre eux des anciens et se souvenaient de leurs bonnes actions. Mais ceci n'était pas le but recherché par Iblis. Ce diable de Iblis n'avait pas fini son piège. Il laissa passer le temps, puis retourna voir les hommes. Iblis savait bien que les hommes avaient oublié comment adorer Allah, car ils avaient passé trop de temps à s'occuper des statues. Iblis profita de leur ignorance et leur fit croire que les statues pouvaient leur donner de bonnes choses ou les protéger du mal, comme leur donner la pluie, les guérir de la maladie ou encore leur donner la richesse. Mais tout ceci était faux! Je te le demande, qui nous donne les bonnes choses? Qui nous protège du danger? Qui nous donne la pluie? Qui nous guérit de la maladie? Et qui nous donne la richesse? Peux-tu répondre? Qui nous donne tout cela? C'est Allah qui nous donne tout cela. Iblis fit croire aux hommes qu'il fallait demander aux statues toutes ces choses-là, alors qu'en vérité, c'est à Allah seul que l'on doit demander tout ceci, car c'est cela l'adoration qu'Allah nous a ordonnée et qu'il est interdit de faire pour autre que lui. Allah dit dans le Coran: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. À cause des mensonges de Iblis, les hommes ont perdu la raison et ils ont adoré les statues à la place d'Allah. Ils ont même dit: n'abandonnez jamais ces statues. Puis, ils leur donnèrent le nom des anciens. Ils les appelèrent Wad, Suwar, Yarouth, Ya'uq et Nasr. Ils les ont pris comme divinités en dehors d'Allah. Allah dit dans le Coran: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Et ils ont dit: n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwar, Yarouth, Ya'uq et Nasr. Au lieu de dire: ô Allah, donne-nous la pluie, donne-nous la santé, donne-nous la richesse, ils disaient: Ô Wad, ô Souar, ô Yarouth, donnez-nous la pluie, donnez-nous la santé, donnez-nous la richesse. Subhanallah! C'était vraiment très grave ce qu'il faisait. Quant à toi, à qui demanderas-tu qu'il fasse beau pour jouer dehors? Et à qui demanderas-tu de ne pas tomber malade? Tu demanderas tout cela à Allah. Tu te rends compte? Ces hommes-là pensaient que ces statues, qui ne parlent pas, qui ne mangent pas, qui n'entendent pas et qui ne bougent pas, ils pensaient que ces statues pouvaient leur donner du bien. Ils les adoraient. Ils cherchaient secours auprès d'elles et beaucoup d'autres choses que l'on ne doit normalement faire que pour Allah seul. Iblis avait trompé ces hommes. Il les avait éloignés du but pour lequel ils avaient été créés, c'est-à-dire l'adoration d'Allah seul. Ainsi fut le comportement du peuple de Nouh. Mais au fait, qui était Nouh? Nouh était un prophète. Allah le choisit parmi les hommes pour transmettre la vérité, pour transmettre le message du Tawhid. Il était le premier des messagers qu'Allah a envoyé pour les hommes. Nouh appela son peuple à adorer Allah seul et à ne pas adorer les statues ou autre chose en dehors d'Allah. Mais son peuple, comme nous l'avons raconté, a été trompé par le diable Iblis. Encore ce menteur de Iblis! Ils ont adoré les statues et ils ont associé à Allah dans l'adoration. Wallahu al-musta'an. C'est ce qu'on appelle le shirk. Sache, mon enfant, qu'il ne faut jamais faire le shirk. Le shirk est le plus grand des péchés et Allah ne le pardonne pas. Allah dit dans le Coran. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nuh est venu à son peuple avec la bonne croyance, la bonne adoration, le Tawhid. Et il leur expliqua cela pendant 950 ans. Tu t'imagines? 950 ans! Compare avec ton âge à toi. Quel âge as-tu? Et qu'est-ce que le prophète Nuh a fait pendant 950 ans? Il a appelé son peuple à l'adoration d'Allah, au Tawhid. Il les a appelés nuit et jour, sans jamais se décourager. Mais son peuple a refusé. Ils ont préféré écouter leur ennemi, Iblis le malhonnête, et ils ont commis le shirk et délaissé le Tawhid. Nous parlait avec douceur, gentillesse et avec les preuves, prévenant son peuple qu'Allah pourrait les punir pour leur désobéissance s'il le voulait. Tandis que son peuple le rejetait en se moquant de lui, jusqu'à ce qu'un beau jour, ils le défièrent en disant « Apporte-nous la punition dont tu nous menaces si tu dis la vérité !» Nuh leur répondit: C'est Allah seul qui vous la portera. À cause de sa méchanceté et de sa désobéissance, le peuple de Nuh fut puni et ils furent tous noyés par une grande tempête qui emporta tout sur son passage. elle emporta tout sur son passage, sauf qui ? Sauf le prophète Nuh et ceux qui crurent en Allah avec lui. Si tu crois en Allah, toi aussi, tu seras toujours sauvé.